Genèse chapitre 36. Or ce sont ici les générations de accent aigu Saütrema, qui étaient d'hommes. E accent aigu Saütrema prit ses femmes d'entre les filles de Chanaan, savoir, Ada, fille d'Élon, Étien, et Aholibama, fille d'Anna, et petite-fille de Simon, et vient. Il prit aussi Basmat, fille d'Ismaël, et sœur de Nébajot. Et Ada enfanta à eux et Saütrema Eliphaz, et Basmat enfanta Réuel. Et Aholibama enfanta Jéhu, et Jalam, et Cora. Ce sont là les enfants de accent aigu Saütrema, qui lui naquirent au pays de Chanaan. Et Saütrema prit ses femmes, et ses fils et ses filles, et toutes les personnes de sa maison, tous ses troupeaux et ses bêtes, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Chanaan, et il s'en alla en un autre pays, loin de Jacob son frère. Car leur bien était si grand, qu'ils n'auraient pas pu demeurer ensemble, et le pays où ils demeuraient, comme étrangers ne les eût pas pu contenir, à cause de leurs troupeaux. Ainsi eux et Saütrema habita en la montagne de Séir, eux accent aigu et Saütrema étaient d'hommes. Et ce sont ici les générations de accent aigu et Saütrema, père des d'hommes, en la montagne de Séir. C'est, eux sont ici les noms des enfants de accent aigu et Saütrema, Eliphaz, fils d'Ada, femme de accent aigu et Saütrema, Réuel, fils de Basmat, femme de accent aigu et Saütrema. Et les enfants d'Eliphaz furent Téman, Omar, Sepho, Gatam et Kenaz. Et Tana fut concubine d'Eliphaz, fils de accent aigu Saütrema, et elle enfanta Amalek à Eliphaz. Ce sont là les enfants d'Ada, femme de accent aigu Saütrema. Et ce sont ici les enfants de Réuel, Nahat, Zera, Sama et Misa. Ceux-ci furent enfants de Basmat, femme de accent aigu Saütrema. Et ceux-ci furent les enfants d'Aholibama, fille de Anna, petite-fille de Simon, et femme de accent aigu Saütrema, qui enfanta eux et Saütrema Jéhu, Jalam et Cora. Ce sont ici les ducs des enfants de accent aigu Saütrema, des enfants d'Eliphaz, premier-né de accent aigu Saütrema, le duc Téman, le duc Omar, le duc Sepho, le duc Kenaz, le duc Cora, le duc Gatam, le duc Amalek. Ce sont là les ducs sortis d'Eliphaz, au pays des Dômes, qui furent enfants d'Ada. Et ce sont ici ceux des enfants de Réuel, fils de accent aigu Saütrema, le duc Nahat, le duc Zera, le duc Sama et le duc Misa. Ce sont là les ducs sortis de Réuel, au pays des Dômes, qui furent enfants de Basmat, femme de accent aigu Saütrema. Et ce sont ici ceux des enfants d'Aholibama, femme de accent aigu Saütrema, le duc Jéhu, le duc Jalam, le duc Cora, qui sont les ducs sortis d'Aholibama, fille de Anna, femme de accent aigu Saütrema. Ce sont là les enfants de accent aigu Saütrema, qui étaient d'hommes, et ce sont là leurs ducs. Ce sont ici les enfants de Séir, Orien, qui avaient habité au pays, Lotan, Sobal, Sibon et Anna, Dison, Etsé et Dizan, qui sont les ducs des Oriens, enfants de Séir, au pays des Dômes. Et les enfants de Lotan furent Tori et Éman, et Tin a été sœur de Lotan. Et ce sont ici les enfants de Sobal, Alvan, Manahat, Ebal, Sepho et Onam. Et ce sont ici les enfants de Tsibon, Aja et Anna. C'est Anna est celui qui trouva les mulets au désert, quand il paissait les ânes de Tsibon son père. Et ce sont ici les enfants de Anna, Dison, et Aholibama, fille de Anna. Et ce sont ici les enfants de Dison, Anan, Esban, Jitran et Kéran. Et ce sont ici les enfants d'Etsé, Bilan, Zahavan et Akan. Et ce sont ici les enfants de Dison, Achu, Thès et Aran. Ce sont ici les ducs des Oriens, le duc Lotan, le duc Sobal, le duc Tsibon, le duc Anna. Le duc Dison, le duc Etsé, le duc Dison. Ce sont là les ducs des Oriens, selon que leur duc était établi au pays de Séir. Et ce sont ici les rois qui ont régné au pays des Dômes, avant qu'aucun roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna en Édom, et le nom de sa ville était Dinaba. Et Béla mourut, et Jobab, fils de Zéra, de Botsra, régna en sa place. Et Jobab mourut, et Uzam, du pays des Thémanites, régna en sa place. Et Uzam mourut, et Ada, fils de Béda, régna en sa place, qui défit Madian au territoire de Moab, et le nom de sa ville était Avit. Et Ada mourut, et Sanla, de Masreka, régna en sa place. Et Sanla mourut, et Saül, de Rehoboth du fleuve, régna en sa place. Et Saül mourut, et Baalanan, fils d'Akbor, régna en sa place. Et Baalanan, fils d'Akbor, mourut, et Adar régna en sa place, et le nom de sa ville était Pahu, et le nom de sa femme, Métabéel, F. île de Matred, petite fille de Mézab. Et ce sont ici les noms des ducs de accent aigus à Utréma, selon leur famille, selon leur lieu, selon leur nom, le duc Anna, le duc Alba, le duc Jetet, le duc Aolibama, le duc Ella, le duc Pinon, le duc Enaz, le duc Téman, le duc Nibtsar, le duc Magdiel et le duc Hiram. Ce sont là les ducs d'Édom, selon leur demeure du pays de leur possession. C'est Utréma le père d'Édom.